J'avais eu un enfant. por favor. La fièvre. Si possible, les tocards, la fièvre. You give me fever, you give me fever.